أشرات الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فقد كفر بالقرآن. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كبرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وهو القائل في كتابه العزيز وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وأصلي وأسلم على سيد الدعاء حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة والأخوات, كالعادة أوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله عز وجل وبحمد الله عز وجل, وهذا من فضل الله عز وجل. نبدأ هذه السلسلة المباركة ألا وهي أشراط الساعة, وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والصدق في القول والعمال والأحوال, إنه ولي ذلك والقادر عليه. Mes chers frères et sœurs, comme promis et comme prévu, et ceci est un bienfait de la part de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, wa billahi tawfiq, on commence cette nouvelle série de cours qui aura lieu bihawlillah azza wa jal tous les dimanches entre Salat al-Maghrib et l'Isha, concernant Ashrat al-Sa'a, c'est-à-dire les signes de la fin des temps. Et ceci après avoir fini la série concernant la biographie de notre bien-aimé Muhammad alayhi afdalu salati wa azka taslim, la vie du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce cours inshallah ta'ala sera une introduction à cette série de cours concernant les signes de la fin des temps. Pourquoi cette série avant tout? Parce que quand le croyant et la croyante, à travers de façon générale bien sûr al-ilm, et particulièrement à travers ces cours concernant les signes ashratu sa'a, les signes de la fin des temps, à travers ces cours, elle va prendre conscience que l'heure, et on va parler de l'heure dans les détails inshallah ta'ala, va venir inévitablement. Quand elle va prendre conscience qu'il y a des signes qui sont déjà passés, na'am, des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui sont déjà passés. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre, nous, au jour d'aujourd'hui, musulmans et musulmanes, ainsi que les non-musulmans. Et quand le croyant et la croyante vont prendre conscience qu'il y a d'autres signes qui vont venir, ici, ceci va pousser le croyant et la croyante, le musulman et la musulmane, à réfléchir plus sur l'au-delà et à ne pas s'attarder ici sur les plaisirs de la vie d'ici-bas en oubliant l'akhirah. C'est parmi les buts ici pour lesquels ou pour laquelle on étudie ici les signes de la fin des temps. Parce que quand la personne sait qu'il y a déjà des signes qui sont passés et qu'on est en train de vivre des signes et qu'il reste quelques signes à venir pour que le jour dernier ici vienne comme il va venir inévitablement, ceci va le pousser encore plus à se dire pourquoi ici je m'accroche à des plaisirs mondains en délaissant al-akhirah. Et ceci va pousser la personne à être parmi les gens qui raisonnent et parmi les gens intelligents et parmi les gens qui ne regretteront pas au jour de la résurrection par rapport à quoi? Au manquement qu'ils auraient eu ou qu'ils auraient pu avoir ici-bas. Comme Allah Azza wa Jal parle de ce type de personnes qui n'ont pas assez pensé à l'au-delà, qui n'ont pas assez pensé à al-maut. Et ils sont tombés dans l'insouciance et ils sont tombés dans les regrets le jour où nul ou n'importe quel regret ou tous les regrets que tu pourras avoir ne te profiteront en rien du tout. قال جل وعلا في كتابه العزيز أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله avant qu'une âme ne dise, c'est Allah qui le dit, avant qu'une âme ne dise, malheur à moi. Pourquoi? Pour les manquements que j'ai eus envers Allah Azza wa Jal. Donc ici, c'est cette série de cours doit nous pousser à quoi? À raisonner avant que ne vienne ce jour où il y aura des insouciants, des gens qui ont été insouciants ici-bas qui diront ça. Allah dit avant qu'une âme ne dise malheur à moi, ya hasra, malheur à moi pour les manquements que j'ai eus envers Allah Azza wa Jal. Et billahi alaykoum, est-ce qu'une personne qui oublie le rappel de la mort ou le rappel de cette fin qu'on va appeler la petite fin ou la petite heure, vous allez voir pourquoi, et la personne qui oublie le rappel et qui délaisse le rappel de la grande fin ou bien la grande heure qui est le jour dernier, comment voulez-vous, billahi alaykoum, que cette personne ici s'accroche au commandement divin et prophétique sans tomber dans l'insouciance? Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit dans un hadith qu'on cite souvent, et le hadith il est jugé bon par Cheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, selon Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu wa an abi, où un homme des Ansar est venu interroger le prophète alayhi salatu wa salam et il lui a dit, ya Rasulallah, ô messager d'Allah, quels sont les meilleurs des croyants? Le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui ont les meilleurs caractères. Et ce même homme, il a dit, ya Rasulallah, quels sont les croyants les plus intelligents? Le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, ceux qui se rappellent le plus souvent de la mort et qui se sont préparés le mieux à ce qui va venir, écoute bien, après la mort. Ceux-là sont les intelligents. Kama qala al-Mustafa alayhi afdalus salati wa askat taslim. Le prophète nous rappelle que quoi? Ceux-là sont les intelligents. Et que si tu veux la satisfaction de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala ya Abdallah, souviens-toi de l'akhirah et délaisse autant que tu peux, sans délaisser ta part de la vie d'ici-bas qui est licite, mais délaisse tous les plaisirs qui peuvent te faire oublier le rappel d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une des causes qui fera que tu recevras l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et la preuve de cela, rapportée par Ibn Majah, bi sanadin Hassan, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a répondu à cet homme qui est venu l'interroger? Écoutez les questions qu'il lui a dit. Il lui a dit, Rasulallah, dullani ala amalin, indique-moi une action. Regardez les questions très intelligentes et pertinentes que posaient les compagnons radiyallahu anhum ardahum. Ya Rasulallah, indique-moi une action que si je fais ou si je fais cette action-là, elle me fera aimer d'Allah et des gens. Une seule action. Qu'est-ce qu'a répondu le prophète alayhi salatu wassalam? Comment voulez-vous répondre à ce type d'interrogation en une seule ligne? Personne d'entre nous pourra le faire si ce n'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Celui qui ne parle pas poussé par sa passion, mais ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comment répondre à cette question complexe en une seule phrase? Tout de suite, mubasharatan, directement, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit, izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. Subhanallah, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, délaisse, agis avec détachement avec cette vie d'ici-bas, Allah t'aimera. Et agis avec détachement envers les choses que possèdent les gens t'aimeront. C'est une réalité ou pas? Quand tu agis avec détachement avec la vie d'ici-bas, je ne dis pas qu'on doit tout laisser la vie d'ici-bas et rester enfermé dans une mosquée de jour comme de nuit sans aller chercher son rizq, sans faire l'écho. Non! Walakin, ici, tout ce qui te fait oublier al-akhirah, l'au-delà, la mort, les actes d'adoration, tu délaisses. Ça, c'est impératif, tu délaisses. Et tu ne fais jamais devancer ad-dunya ala al-akhirah, sur l'au-delà. Izhad fi ma, ou izhad fi dunya, yuhibbuka Allah. Quand tu vas agir avec détachement de la vie d'ici-bas, Allah va t'aimer. Et le prophète dit, izhad fi ma inda an-nas, délaisse ce que les gens ont. Cherche pas à comprendre ou à savoir ce que les gens ont toujours. C'est-à-dire, écarte-toi, quelque part, de l'hasad, de la jalousie. Qu'est-ce qu'il a acheté un tel? Qu'est-ce qu'il a un tel? Et c'est vrai que quand on côtoie une personne qui ne cherche pas à savoir ce qu'on a, ou qui n'est pas jaloux de nous, ou qui ne cherche pas à nous concurrencer toujours dans les choses mondaines, on a ici l'habitude de quoi? D'être attiré vers cette personne plus que d'autres personnes qui toujours ont de la jalousie envers nous, où ils essayent de savoir comment je gagne ma vie, comment j'arrive à réussir, comment ceci, comment... Donc, izhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas kama qala alayhi salatu wassalam. Délaisse avec détachement concernant les choses que possèdent les gens t'aimeront. Le prophète nous rappelle que quoi? N'oubliez pas l'akhirah. N'oubliez pas l'au-delà. Et si tu n'oublies pas l'au-delà, tu ne feras pas partie des personnes qui diront « Malheur à moi pour les manquements que j'ai eus envers mon Seigneur tabaraka wa ta'ala ». Pourquoi? De jour comme de nuit, tu penses toujours à l'akhirah. Tu dors, tu dis « Khlas, al-maut, al-maut ». ici à son frère. Et akhul maut, c'est un naum. Le frère de la mort, c'est quoi? Le sommeil. Ce moment où tu dors, et Allah Azza wa Jalla, il rappelle dans le Coran al-Karim que quand une personne dort, Allah, il détient, il prend les âmes de ceux qui dorment, et à certains d'entre eux, il rend leur âme, et à d'autres, il ne rend pas leur âme, et certains meurent en dormant. Tu sais que peut-être tu ne vas pas te réveiller le lendemain. Tu sais que quand tu vas faire salat al-dhuhr, peut-être tu feras pas salat al-asr. Donc, tu perfectionnes un maximum salat al-dhuhr en te disant c'est peut-être ma dernière prière obligatoire. Quand tu fais l'asr, c'est peut-être ma dernière prière. Quand tu fais le maghrib, c'est peut-être ma dernière prière de le maghrib. Quand tu fais l'isha, et ainsi de suite. À chaque fois, les actions que tu fais au moment présent, tu essaies de les faire de la meilleure des façons en te disant peut-être je sors de la mosquée, je vais me faire écraser. Wallahu al-musta'an, wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Donc je partirai avec une dernière ou un dernier acte d'adoration fait comme il se doit selon la législation et comme le prophète alayhi salatu wassalam a voulu. Pourquoi? Tu te rappelles souvent de la mort. La mort qui est la petite heure. Pourquoi la petite heure? Car la mort est appelée aussi sa'a. Elle est appelée sa'a. Là, on est dans le sujet qui est ashratu sa'a. Les signes de la fin du monde. Mais non. Mais normalement, c'est, on dirait, si on veut traduire vraiment mot par mot, ashratu sa'a, les signes de l'heure. Sa'a, c'est une heure. Ashratu sa'a, les signes de l'heure. Ici, la mort est appelée l'heure, avant de rentrer dans les signes de la fin du monde ou du jour dernier, dans les détails. La mort est appelée l'heure. Pourquoi? Parce qu'elle va venir soudainement. D'accord? Elle va venir soudainement. Elle va venir de façon très brusque. Elle va venir sans te prévenir. Parmi les raisons pour lesquelles elle est appelée l'heure. Comme le jour dernier, il est appelé sa'a ou as-sa'a. Pourquoi? Car le jour dernier viendra de façon barta, soudaine. Comme la mort. La mort, on l'appelle l'heure, la petite heure. Naam, surtout quand on parle de la petite et la grande heure. Pour les bien laissés parents, on dit la petite heure et la grande heure. La grande heure. C'est pour ça qu'on dit, son heure est venue. Ton heure n'est pas encore venue. On dit ça. Même les non-musulmans le disent. Parce qu'ils l'appellent l'heure. Parce que même ils ont compris que quoi? On l'appelle l'heure parce qu'elle va venir soudainement. Naam. Et dans les ahadith, quand on entend as-sa'a, l'heure, ça ne veut pas dire c'est une heure. C'est-à-dire 60 minutes. C'est-à-dire c'est un court moment. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wa sallam yaqul kama ja'a fi sahih, dans un hadith authentique, il dit le jour du vendredi, yawmul jumu'ah, il y a une heure où l'invocation est acceptée. Walakin, est-ce que ça veut dire c'est 60 minutes dans la journée? Non. Ici, ça veut dire que c'est un temps court. L'heure, elle est appelée heure. Pourquoi? Parce que c'est un temps court par rapport au reste de la journée. C'est-à-dire c'est un moment court, mais ça ne veut pas dire 60 minutes quand vous lisez une heure, mais c'est un temps court. D'accord? Par rapport au reste de la journée. C'est pour ça que la mort, elle vient soudain, elle va venir de façon soudaine, on sait. Barta. C'est parmi les raisons pour laquelle elle est appelée l'heure. Mais ça, c'est la petite heure. C'est-à-dire que cette heure-là, cette fin-là, elle concerne chaque individu de façon isolée. Moi, j'aurai mon heure, toi, tu auras ton heure, toi, tu auras ton heure. Mais la grande heure va toucher tout le monde. Tous les individus, toutes les créatures. Toutes les créatures. Ça, c'est la grande heure. Donc, la petite heure, c'est la mort. La grande heure, c'est ce qui va séparer l'insan, même plus que cela, l'être humain, les djinns, les créatures, il va les séparer de cette vie d'ici-bas pour aller rencontrer leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, pour se rendre à ce qu'on appelle Ardul Mahshar, la terre du rassemblement. Tout ceci va se passer lors d'une journée. Cette journée-là a plusieurs noms. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a dit cette journée-là, donc on parle de le jour de la fin du monde, la dernière journée ou le dernier jour, la fin du monde, plus de 80 noms. On va en citer que quelques-uns. Ibn Kathir dit, cette journée-là, plus de 80 noms. Donc cette journée-là se passera as-sa'a al-kubra, la grande heure. D'accord? La fin du monde. Là, notre sujet, c'est quoi? Ashratu sa'a, les signes de l'heure, c'est-à-dire les signes de la fin du monde. Donc on comprend bien qu'il y a deux types d'heures ici pour pouvoir avancer. Khlas. On continue. Ashratu sa'a, ici la série va concerner les signes de la fin du monde. Mais pour bien comprendre ces signes, il faut comprendre ce qu'est la fin du monde. C'est quoi la fin du monde? Parce qu'on va parler des signes. Des signes qui vont montrer, tiens, le jour de la résurrection ne viendra pas, ou le jour dernier ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas kada wa kada. Tant qu'il n'y aura pas. C'est ça le but de cette série de cours, inshallah ta'ala. Les citer tous, et on va voir ça dans les détails, bihawlillah azza wa jal. Mais, avant que ne vienne, toujours on verra, avant que ne vienne as-sa'a, par exemple, l'heure, c'est-à-dire le jour dernier. Qu'est-ce que c'est que le jour dernier et pourquoi on doit croire au jour dernier? On doit croire au jour dernier car ceci est obligatoire pour les musulmans. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, qui ne croit pas à la résurrection, la résurrection fait partie du jour dernier, qui ne croit pas à la résurrection, qui ne croit pas au rassemblement, qui ne croit pas au jour dernier de façon générale, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves qu'on doit y croire, etc. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ. Il a mécru. Il n'a pas cru au Coran, à ce qui a été révélé, et s'il persiste dans cet égarement, il sort de l'islam, وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ. Il est sorti de la religion s'il persiste. S'il n'a pas fait par contrainte, bien sûr, s'il n'a pas fait par ignorance, etc., etc. Pourquoi? Car Allah Azza wa Jal rappelle ici que dans le Coran al-Karim, que ça fait partie, c'est une chose qui fait partie des fondements de la croyance ou bien du credo du musulman, de l'aqida du musulman, de la croyance du musulman. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, dans le long hadith rapporté par Muslim, selon de Jibril alayhi salam, quand le prophète alayhi salatu wassalam il a rencontré Jibril alayhi salam, vous connaissez je pense la plupart d'entre vous, le long hadith, un homme est rentré ici et il est venu vers le prophète alayhi salatu wassalam avec un vêtement blanc, il n'y avait aucune trace de voyage sur lui, et c'était l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Il est venu sous l'apparence d'un être humain, il s'est rapproché du prophète alayhi salatu wassalam, il lui a posé plusieurs questions. Parmi ces questions, il lui a dit, il lui a interrogé sur l'islam. Le prophète alayhi salam, il lui a expliqué les cinq piliers de l'islam. C'est quoi? Yani, les cinq piliers de l'islam. Il lui a dit ensuite, mal iman, c'est quoi l'iman, la foi? Le prophète alayhi salam, il lui a cité les piliers de la foi. Et parmi les piliers de la foi, il y a quoi? La croyance au jour de la résurrection. C'est un pilier qui fait partie des piliers de la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans des dizaines et dizaines et dizaines, il y a presque, d'accord, dans toutes les pages, je dis pas toutes, mais dans quasi totalité des pages du Coran, Allah azza wa jal parle de quoi? Du jour de la résurrection, le jour dernier. Pour jamais l'oublier. Car les dénégateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, certains ils croyaient en Allah. Ils croyaient en Dieu. Ou à laquelle ils donnaient soit des associés à Allah, ils disaient on croit en Dieu. Nous on croit en Dieu, il n'y a pas de problème. Mais ils adoraient des statues aussi. Ils donnaient des associés à Allah azza wa jal, ou bien ils rejetaient la croyance au jour de la résurrection. Ils disaient comment ça, un Dieu qui va nous faire ressusciter? Ils posaient toutes sortes de questions pour mettre des ambiguïtés, ash-shubuhat, dans le cœur des croyants et des croyantes, en disant ce n'est pas possible, vous allez mourir et Allah va vous ressusciter, etc., etc. Donc ils ne croyaient pas au jour de la résurrection. Et ça, c'est une chose qui montre que c'était des personnes qui étaient sorties, bien sûr, ou qui ne pouvaient pas se considérer ou être considérées plutôt comme des croyants. Allah Azza wa Jalla, à titre d'exemple dans le Coran al-Karim, qu'est-ce qu'il dit? لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. À titre d'exemple, Allah Azza wa Jalla, il rappelle ici l'importance ici de la croyance au jour de la résurrection. Et il dit, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, écoutez bien, mais la bonté pieuse est de croire en Allah et au jour dernier. Et dans, vous allez voir des dizaines et dizaines de versets coraniques, tout le temps Allah il répète le jour dernier. As-sa'a, le jour de la résurrection. Et on avait dit le jour dernier, il a plusieurs noms, comme il a dit Ibn Kathir, plus de 80 noms. Moi je vais en citer quelques-uns, une dizaine à peu près par la suite, incha'Allah ta'ala. À titre d'exemple, محمد عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين رواه البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Même le prophète dans plein de hadith, il répète ça. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Le prophète, il dit encore que celui qui croit en Allah et au jour dernier, فليكرم ضيفه, qu'il se comporte généreusement envers son invité. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, falyukrim jarah, qu'il se comporte généreusement avec générosité envers son voisin. Souvent le prophète il répète Allah le jour dernier. Pourquoi? Pour rappeler que nous les croyants doit croire en Allah et au jour dernier. Et celui qui ne croit pas au jour dernier, il n'est pas musulman croyant, ayyuhal ahbab. Donc là, avant de rentrer dans les détails dans les signes de la fin du monde, ici il faut qu'on comprenne bien que la fin du monde, c'est-à-dire cette journée-là, le jour dernier, fait partie de la croyance du musulman et on doit y croire fermement et c'est obligatoire ici en islam. Et cette croyance-là, elle nous permet de vivre ici comme des gens sensés, intelligents, musulmans, croyants, pieux, bi'idnillah azza wa jal, et pas comme des bestiaux. Pourquoi? Parce que quand tu crois au jour de la résurrection, tu crois à tout ce que Allah a détaillé concernant le jour de la résurrection. Et des versets, des versets, des versets, des versets nous détaillent ce qui va se passer cette journée-là. Comme on avait fait dans plusieurs sermons du vendredi, on a détaillé le jour de la résurrection. D'accord? Donc, quand tu crois à ça, ça te pousse à vivre avec détachement avec cette vie d'ici-bas. Et à penser à l'au-delà et à avoir un but concret quand tu vis. Et pas comme le non-musulman. Il ne cherche qu'à s'attacher à cette vie d'ici-bas et il aimerait, comme Allah a dit dans le Coran, et je vais vous citer le verset coranique, vivre 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de but dans l'au-delà. Lui dit, khlas, quand je meurs, repose en paix, comme ils le disent. Alors que les vrais problèmes commencent quand on ferme les yeux. Et lui, il dit quoi? Khlas, moi, c'est ma vie d'ici-bas. Donc, il mise tout sur la vie d'ici-bas. وَلِذَا يَقُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. La vie d'ici-bas, c'est quoi? La prison de qui? Du croyant. Et le paradis du mécréant. Donc, ils s'attachent à cette vie d'ici-bas. Ils aimeraient vivre éternellement. Mais ils peuvent pas. Et ils pourront jamais tourner le dos au châtiment. Qu'ils veuillent ou non, ils recevront ce que Allah Azza wa Jalla a destiné qu'ils recevront. Qu'ils le veuillent ou non. Et à l'unanimité des êtres humains, et je dis pas des musulmans, ou des croyants, ou des savants, tout le monde goûtera à la mort. Tout le monde goûtera à la mort. Et ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe qui montre que quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et on retournera tous vers Allah Azza wa Jal. C'est Allah le puissant et nous sommes tous faibles. Bien que tu aies des milliards, bien que tu sois fort, bien que tu sois puissant ici-bas, yani le fort par excellence, le puissant par excellence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui ordonnera à Malik al-Mawt d'aller tirer ton âme ou de prendre ton âme, que tu sois musulman ou non musulman. Même le non musulman qui est millionnaire ou milliardaire, il ne peut pas tourner le dos à la mort et il sait très bien qu'il va mourir. Tandis que nous les musulmans, alhamdoulilah, on est ici toujours, on a toujours l'espoir ici de recevoir la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. On est toujours entre deux choses, al-khawf wa al-raja, jusqu'à notre mort. Même quand on est dans sakarat ou al-kurubat, ou bien al-gharghara, dans l'agonie de la mort, t'es toujours entre ces deux choses. C'est quoi? La peur et l'espérance. La peur d'être châtié par Allah Azza wa Jal, tu n'es jamais trop sûr de toi. Et l'espérance de recevoir la miséricorde d'Allah, car la miséricorde d'Allah Azza wa Jal dépasse sa colère, comme l'a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. L'espérance d'aller au paradis, tu es toujours entre ces deux choses-là. L'espérance d'aller au paradis, et la peur d'aller en enfer. L'espérance de qu'Allah te pardonne et la peur qu'Allah Azza wa Jalla te châtie. L'espérance ici de satisfaire Allah et la peur d'attirer la colère d'Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tu as toujours espoir ici. Tu as toujours espoir qu'Allah Azza wa Jalla quelque part te fasse miséricorde. Et tu t'en remets toujours vers Allah Azza wa Jalla. Et c'est pour ça que tu verras même les gens qui sont musulmans et croyants, wallahi, même qu'en général, même quand ils ont été assez loin de la religion, mais tu les vois dans les derniers instants, alhamdulillah, ala kulli hal, et ça c'est un signe que cette communauté, la meilleure communauté suscitée pour les gens, comme Allah a dit dans le Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté suscitée pour les gens, tu les verras quand même se rappeler de qui? Allah. Ils diront la ilaha illallah, alhamdulillahi ala kulli hal. Même si tu regardes sa biographie à cette personne, subhanallah, il était loin, il venait peu à la mosquée, mais quand même en général, je dis bien, ils ont quand même tous ici ce souci de qu'est-ce que je vais devenir, est-ce qu'Allah va me pardonner, et donc ce qui sort de leur bouche, Allah, alhamdulillahi ala kulli hal, la ilaha illallah. Et ça c'est un signe qu'Allah azza wa jal, et ça c'est une preuve encore que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Car le prophète alayhi salatu wassalam, il dit comme il est dit dans le celui qui meurt et sa dernière parole est la ilaha illallah dakhala al-jannah, il rentre au paradis. Donc ça c'est une preuve encore que la miséricorde d'Allah dépasse sa colère. Bien qu'il ait été loin et tout, tu le verras, il dira la ilaha illallah de façon générale. C'est très rare que des gens, et ça a existé, des gens qui au moment de leur mort, quand des gens leur disaient dis la ilaha illallah comme قال عليه الصلاه والسلام laqinu mawtakum la ilaha illallah, dites, répétez à vos morts la ilaha illallah, ils diront quoi? Comme certains ont dit, garro, garro, garro, cigarette, cigarette. Il y en a qui l'ont dit. Tellement qu'ils étaient dépendants de la cigarette, et c'est rentré dans leur cœur, ça a pris le dessus, ils sont morts avec la parole, garro, cigarette, cigarette. Il y a eu des cas comme ça, dans la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam, mais en général, alhamdulillah, les gens se souviennent d'Allah, azza wa jal. Ils ont toujours cette espérance qu'Allah leur fasse miséricorde, et c'est ce que les non-musulmans n'ont pas, et c'est pour ça que souvent, quand tu vas dans les hôpitaux, il y a des services spécialisés dans les hôpitaux. Où il y a des quoi? Des psychiatres, des psychologues, qui interviennent sur le lit de mort ou quand les gens sont proches de la mort pour leur parler. Est-ce que vous les voyez rentrer dans les chambres des musulmans? Pas besoin. Nous on a quoi? Al-Qur'an wa Sunna bi fahmi salaf al-ummah. On a l'islam, on a la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. On a notre croyance, alhamdulillah. Lakin va voir les non-musulmans dans les hôpitaux. Chaque hôpital a ça. Il a des psychiatres et des psychologues qui viennent et qui lui parlent. Oui, écoutez, vous allez vous séparer de la vie d'ici-bas, mais écoutez, c'est peut-être un bien, c'est, yani, juste, ils mitonnent, ou alors ils font divaguer la personne, ou ils font rêver la personne, bien que la personne sait très bien que lui, il est en train de lui raconter des salades ou je ne sais quoi encore. Lakin, ils essayent de, lakin, nous, alhamdulillah. Nous, tu vois quoi? Tu vois des musulmans qui appliquent la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et qui visitent leurs frères et qui leur disent, rappelle-toi de l'akhirah. Rappelle-toi de la miséricorde d'Allah. Invoque Allah de te pardonner. Et il fait des invocations pour lui. Et il se sent apaisé un minimum, alhamdulillah. Même s'il était loin de la religion, alhamdulillah. Les paroles d'Allah Azza wa Jal, ici, le réconfortent. Et Allah dit dans le Coran al-Karim, Ala bi dhikrillah. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Ces paroles qui sortent de ta bouche, qui sont les paroles kalamullahi azza wa jal. Et les paroles du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam l'apaisent. Pas besoin de psychologue, pas besoin de psychiatre. Walakin ayyuhal ikhwat wal akhawat. Il faut se préparer à quoi? À l'au-delà. Et il faut se préparer au jour dernier. Il faut se préparer à rencontrer Allah Azza wa Jal. Il faut se préparer ici pour ne pas être parmi les personnes que j'ai citées précédemment, comme Allah les a citées dans le Coran al-Karim, qui diront « Malheur à moi pour les manquements que j'ai eu envers mon Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. » Allah, il parle des ignorants. Il parle de ceux qui pensent qu'ils vont vivre éternellement, ou alors, enfin, ils savent très bien qu'ils vont pas vivre éternellement, mais qui aimeraient plutôt vivre éternellement ou 1000 ans. Allah Azza wa Jal, il dit même 1000 ans dans le Coran al-Karim. Et il dit Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie. Ils ont pas de but. Nous, on a un but. Quand t'entends le jour dernier, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah. Même quand t'as une grosse épreuve, tu vas dire quoi? Dans tous les cas, on va mourir. Ça te pousse à dire Alhamdulillah ala kulli hal. Très rares sont les non-musulmans qui pensent à Dieu. Même s'ils sont chrétiens ou juifs, qui pensent à Dieu lors des épreuves. Voilà que nous, les musulmans, tout le temps, tu entendras. Même celui qui est loin de la religion, Alhamdulillah. Juste quand tu lui dis à la personne, comment tu vas bien? Alhamdulillah. Il prie pas, il fait pas siyam, il va dire Alhamdulillah. Toujours qu'il a l'ismullah qui sort de sa bouche, le nom d'Allah Azzawajal qui sort de sa bouche. Allah, il parle des non-musulmans, qu'est-ce qu'il dit? Et tu verras. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie, pire en cela que les polythéistes. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans. Ils aimeraient, mais ils peuvent pas. S'ils dépassent 100 ans, mashallah. Ils aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne les sauvera pas du châtiment. Regarde, Allah, il dit, même s'ils vivaient 1000 ans. Est-ce qu'ils vont être sauvés du châtiment? Même tu vis 1000 ans, tu rencontreras le châtiment si tu as mérité d'être châtié par Allah Azza wa Jal. Et Allah voit bien leurs actions. Wallahu basirum bima ya'malun. Est-ce qu'ils pensaient, ayyuhal ikhwat wal akhawat, ou les insouciants, ou les ignorants, est-ce qu'ils pensaient ici qu'Allah Azza wa Jal avait créé les cieux et la terre pour s'amuser? Ou pour se divertir? Ou parce qu'Allah il n'avait rien à faire? حاشا أيها الإخوة والأخوات يقول جل وعلا في كتابه العزيز وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. Allah عز وجل dit quoi dans le Coran? Ce n'est pas par divertissement, par amusement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Donc Allah il te rappelle que le ciel ou les cieux qui ont été créés de façon parfaite, comme il dit dans le Coran al-Karim, sans piliers, et que la terre qui a été créée de façon parfaite, que la nuit qui a été établie, que tout ce qui se passe entre les cieux et la terre, est-ce que tu crois qu'Allah les a fait parce qu'il n'avait rien à faire, ou par amusement? Il les a créés en toute vérité. Et il a créé en toute vérité et il a assujetti. Il a mis à notre service, ayyuhal al-ikhwat wal-akhawat, le soleil, la lune, la nuit, le jour, pour nous les êtres humains, et pour faire quoi? وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Si tout ça a été créé parfaitement, c'est qu'il y a une raison. Et tout ça est au service de qui? Des chiens? Des animaux? Des vaches? Bien sûr, soit pour eux. Mais surtout pour qui? Pour nous. C'est pour l'être humain. Regardez la nuit. 8 heures de sommeil, c'est ce qu'il nous faut pour, alhamdulillah, avoir un sommeil complet, bien, bon. Comme le disent les musulmans et les non-musulmans. 8 heures, khlas, t'as bien dormi. C'est le temps qu'il y a dans la nuit à peu près. Khlas, le temps de la journée. Imagine-toi, la journée, elle durait 2 fois plus de temps. Est-ce que l'être humain pourrait tenir? Il pourrait pas. Allah, il a fait que, khlas, la fin de la journée, c'est que tu deviens fatigué, tu peux plus supporter. Tout a été assujetti pour nous. Le soleil, il est positionné ici à une distance de l'insan qui suffit pour ne pas le cramer. Et qui n'est pas assez éloigné pour pas que l'être humain soit congelé quand il fait trop froid, comme disent les savants. Ils disent, il a été mis à une distance, comme il se doit, pour que, alhamdulillah, on ressente une chaleur qui n'est pas trop intense et qui nous permet de supporter la vie d'ici-bas et avoir un mode de vie équilibré. Et ici, après cela, tu dis quoi? Mais tout ça, c'est hein, le hasard qui a fait tout ça. C'est Allah Azza wa Jalla al-Khaliq, le créateur. Et si Allah il a créé tout ça parfaitement, c'est qu'il y a une raison. Et si Allah te rappelle qu'il y aura la fin du monde, c'est qu'il y a une raison. Si Allah Azza wa Jalla te rappelle dans le Coran que la mort elle est proche, c'est qu'il y a une raison. Certes, Allah il dit dans le Coran al-Karim, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Est-ce que vous pensiez que nous vous avions créé sans but? Allah il nous rappelle. Est-ce que vous pensiez que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? فتعالى الله الملك الحق. Ensuite Allah Azza wa Jalla dit que soit exalté le vrai souverain. C'est pour ça, ayyuhal ikhwat wal akhawat, il faut qu'on se rappelle de ces deux heures. La petite et la grande. Et les deux heures sont proches. Khalas, on va dire maintenant, on va attendre un peu avant de rentrer quand viendra l'heure. On va parler des noms inshallah ta'ala du jour dernier, après on va parler de cette question, mat as-sa'a, quand viendra l'heure. Avant de parler des signes, on reste un peu dans le jour de la résurrection inshallah ta'ala. Mais ce qu'on est sûr, et comme je vous le citais tout à l'heure, c'est que ta fin à toi personnelle, c'est-à-dire la petite heure, elle est proche. Même elle est très proche. Et que le jour dernier, il est proche. Il est très proche. Quand? Dans les détails, on ne sait pas. Mais est-ce qu'on peut dire que le jour dernier, il est encore lointain? Non, on n'a pas le droit. Pourquoi? Car Allah et le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on va le voir, nous ont rappelé qu'il est proche. Cette journée-là, elle est proche, ayyuhal ahbab, et ça nous pousse encore quoi? À faire quoi? À craindre encore plus Allah et à se préparer encore plus pour la rencontre avec notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Parmi les noms du jour dernier, il y a Ibn Kathir qui en a cité plus de 80, lakin j'en citerai quelques-uns. Allah Azza wa Jalla l'a appelé le jour dernier. Donc on parle du jour dernier. Hein. C'est quand, on va décrire un peu ce qui va se passer au jour dernier brièvement après Inch'Allah Ta'ala. Mais le jour dernier, c'est quand il y aura tout ce qu'on cite ou tout ce que j'ai cité déjà dans ce qui va se passer dans le jour de la résurrection dans certains sermons. D'accord, le jour de la résurrection, Al-Hash, le rassemblement. Ça, c'est le jour dernier, c'est une journée. D'accord? Donc, cette journée-là, ayyuhal ahbab, comment elle a été appelée par Allah Azza wa Jal? Elle a été appelée parmi les noms, As-Sa'a. On l'a dit. C'est-à-dire, l'heure. Allah, il dit dans le Coran Al-Karim, Inna As-Sa'a, la'atiyatun la'raiba fiha. Allah Azza wa Jal, il dit, en vérité, l'heure va arriver, pas de doute dessus. Khalas, on a compris. Le jour dernier, elle est appelée Sa'a, une heure. Pourquoi? Car elle vient soudainement, comme a dit l'ulama. Elle a été appelée aussi Yawmul Bahth. D'accord? C'est-à-dire le jour de la résurrection. Parce que les gens vont ressusciter cette journée-là. Elle a été appelée comme ça dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَحْثِ. Vous avez demeuré d'après le décret d'Allah jusqu'au jour de la résurrection. Allah Azza wa Jalla l'a appelée aussi cette journée-là dans le Coran al-Karim, le jour de la rétribution, يَوْمُ الدِّينِ. Allah il dit dans le Coran, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ. D'accord? Allah il dit maître du jour de la rétribution. Le jour de la rétribution. D'accord? C'est ce jour-là où les gens vont être rétribués pour ce qu'ils ont œuvré ici-bas. Allah l'a appelé aussi Yaumuddin, c'est-à-dire Maliki Yaumuddin, quand on récite dans Surat al-Fatiha, maître du jour de la rétribution. Allah Azza wa Jalla l'a appelé aussi Yaumul Hasra. Allah Azza wa Jalla dit wa anzirhum Yaumul Hasra. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran et avertis-les du jour du regret. Le jour du regret. Il a été appelé cette heure-là, elle a été appelée, cette journée-là a été appelée la journée ou le jour du regret. Pourquoi? Parce que les gens vont regretter. Illa man rahim Allah, comme on a cité le verset tout à l'heure. Mais cette journée-là, les regrets ne profiteront en rien du tout. Et Allah, c'est pour ça qu'il nous rappelle cela et il nous dit, il est appelé aussi, ou elle est appelée, le jour du regret. Elle est appelée aussi cette journée-là, Yawmul Fasl. Hada Yawmul Fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun. C'est le jour de la décision que vous traitiez de mensonge. C'est Allah Azza wa Jalla qui dit dans le Coran al-Karim. Il a été appelé aussi, ou cette journée a été appelée aussi, Yawmul Jam'a. Allah il dit dans le Coran al-Karim, وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعَ لَا رَيْبَ فِيهِ وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعَ لَا رَيْبَ فِيهِ. Et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'y a aucun doute. Allah l'a appelé aussi Yawmul Hisab. La même journée là. Regarde tous les noms qu'Allah a donné dans le Coran. Et il dit, هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ. Voilà ce qui vous a été promis pour le jour. C'est quoi Yawmul Hisab? Le jour des comptes. D'accord? Parce que là, il y aura les comptes qui vont être établis aussi cette journée-là. Allah Azza wa Jalla l'a appelé Yawmul Wa'id. Le jour de la menace. Regardez les noms qu'Allah Azza wa Jalla a donné dans le Coran al-Karim concernant cette journée. Pour que la personne se préparent, craignent cette journée et se préparent pour cette journée-là. Allah dit dans le Coran al-Karim, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ et lorsqu'on souffra dans la trompe, voilà le jour de la menace. Allah Azza wa Jalla l'a appelé aussi, بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Al-Qari'ah. Il l'a appelé comment? Le fracas. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَالْقَارِعَةُ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله عز وجل il a parlé de cette journée là et qu'est-ce qu'il dit? Il dit القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. Il dit avec une traduction approximative le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas cette journée-là? Et Allah, il donne quelques descriptions concernant cette journée-là. Et regarde ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, c'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés. Et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, et les montagnes, al-jibal, et les montagnes, comme de la laine cardée, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Alhamdulillah, Allahumma ja'alna minhum. Et il dit, il sera dans une vie agréable, et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère, c'est-à-dire sa destination, est un abîme très profond, et qui te dira ce que c'est? C'est bien sûr, c'est quoi? Narun hamiya. C'est un feu ardent. Allah Azza wa Jalla, ayyuhal ahbab, il nous a décrit, ici, dans plusieurs versets coraniques, cette journée-là. Cette journée-là, qu'Allah Azza wa Jalla a cité, plus de 10, plus de 20, plus de 50 fois dans le Coran al-Karim. Des dizaines et des dizaines de fois. Et à titre d'exemple, il parle de cette journée terrible. Et ici, pour mettre en garde les insouciants et nous rappeler, œuvrez. Et restez pas parmi les insouciants et ne vous faites pas avoir par cette vie. Cette vie d'ici-bas qui est de quelques jours, quelques années, quelques minutes. Qui est vraiment très limitée. Quel âge on a? 25, 30 ans en moyenne? 35 ans? Combien de temps il nous reste à vivre billahi alaykoum? Même si on meurt de vieillesse, combien de temps? Rien. On sait très bien que la communauté du prophète, alayhi sallam, en général, c'est 60, 70 ans. Combien de temps il nous reste? Très peu à vivre. Et pourquoi ici on s'attable ou alors on s'attarde ici à rester insouciant dans une vie qui n'a rien à voir avec ce qui nous attend dans l'au-delà? C'est-à-dire, bihawlillahi azza wa jal, le paradis éternel. Est-ce que c'est comparable, ayyuhal ikhwat wal akhawat? Ce n'est pas du tout comparable. Surtout qu'Allah nous rappelle qu'est-ce qui va se passer le jour dernier. Il dit dans le Coran al-Karim, bismillahir rahmanir rahim. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. Regardez Allah comment il décrit le jour de la résurrection, subhanahu wa ta'ala. Il dit dans le Coran al-Karim avec une traduction approximative, bien que l'arabe n'a rien à voir avec le français, et il dit quand le soleil sera obscurci, voilà ce qui va se passer le jour dernier. Quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes et les montagnes mises en marche et les montagnes mises en marche et les chamelles à terre négligées et les bêtes farouches rassemblées et les mers allumés, ils vont bouillir les mers, les océans, allumés, et les âmes accouplées, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante. Pour quel péché a-t-elle été tuée? Regardez la justice, al-adl d'Allah Azza wa Jal. Car à l'époque du paganisme, avant la venue de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'était quoi qui était coutume chez les Arabes? Ils enterraient leurs filles vivantes. Jusqu'à ce qu'Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu warda, il dit, je me souviens encore quand j'enterrais ma propre fille vivante, et je me souviens qu'elle m'enlevait ici la terre qui était encore sur ma barbe, alors que j'étais en train d'encore l'enterrer vivante. Regardez les habitudes qu'ils avaient. Et l'islam est venu pour abolir toutes ces pratiques. Wal'iyadu billah, Allah dit dans le Coran, et quand les feuilles seront déployées, et le ciel écorché, et la fournaise attisée, et le paradis rapproché, chaque âme saura alors ce qu'elle a présenté. Chaque âme saura alors ce qu'elle a présenté. Qu'est-ce que tu as présenté? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as préparé pour cette journée-là, ya Abdallah? Alors qu'Allah Azza wa Jal te rappelle à travers ces versets coraniques que cette journée-là va être terrible. Bien qu'il n'y a pas que cette journée-là qui va être terrible. Il y a la petite fin, la petite heure, ta mort. C'est pour ça que certains salafs, certains compagnons, ils disaient que certaines personnes, quand l'âme va sortir de leur âme, ça va être comparable à quoi? 1000 coups d'épée dans le visage. Wala hawla wala quwwata illa billah. Juste quand l'âme va sortir ici du corps. Alors que d'autres, l'âme va sortir comme quoi? Comme une goutte du goulot. Comme une goutte. d'accord, qui tombe comme vous voyez une goutte qui tombe d'un robinet, pareil, de façon très facile. Tandis que d'autres, ça va être la douleur comparable à quoi ? À 1000 coups d'épée dans le visage. Ça, c'est la mort, la petite heure. Mais n'oublie pas, il y a encore la grande heure. Quand tu entends tout ça, subhanallah, comment tu peux être insouciant ? Ne serait-ce que pour faire la prière au moins à l'heure, à la mosquée. Ou alors, garder ta langue. Ou alors, faire des petites œuvres surérogatoires. Ou alors, ouais. Et regardez, ayyuhal ahbab, quand on est là, on est dans l'ambiance, tout le monde se dit, subhanallah, alhamdulillah, masha'allah, la ilaha illallah, Allahumma thabbitni, on est bien. Mais dès qu'on sort, c'est la jungle. Shaitan nous attend à l'entrée, ikhlas. C'est pour ça qu'on dit à nos frères et sœurs, il n'y a pas 1000 solutions. Yadullah ma'al jama'a. La main d'Allah est avec le groupe, ayyuhal ahbab. Si vous vous écartez du groupe, vous vous écartez de l'ambiance islamique, c'est ce que veut Shaitan, la'anahullah. Certes, vous allez sûrement vous égarer et être parmi les insouciants qu'Allah Azza wa Jalla a cité dans le Coran al-Karim quand il dit « Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubasiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am bal hum adal, ulaika humul ghafilun. » Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Ceux-là sont-elles des bestiaux ? Pire encore, ils sont pires que les bestiaux. Allah Azza wa Jalla, il dit quoi ? Ceux-là sont les insouciants, wal'ayyadu billah. Soyez pas parmi les insouciants, yuwal ikhwat wal akhawat. Mata sa'a. Khlas. On est toujours dans sa'a, c'est-à-dire le jour dernier. Quand viendra le jour dernier? Avant de parler des signes, pour qu'on comprenne bien, yani, ici, qu'est-ce qui nous attend après tous ces signes? C'est le jour dernier. Après, on a tout le temps de citer dans chaque cours bi'idnillah azza wa jal au moins un signe qui fait partie des signes de la fin du monde. Mais quand viendra l'heure? C'est-à-dire le jour dernier. La fin du monde, c'est quand? 2012, ils ont dit. C'est ça? Certains, ils ont dit, non, khlas, on a vu dans un rêve ceci, cela. D'autres, ils ont dit cela. Et beaucoup de musulmans et musulmanes tombent dans le piège. Wa sadaqa ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, quand il dit une parole que je répète souvent et qui est magnifique et qui vaut bien plus que de l'or, il dit la première des choses que Shaitan essaye de faire envers le serviteur d'Allah Azza wa Jalla, c'est quoi? C'est de l'éloigner de la science islamique. Parce que la science islamique, c'est une lumière. Et quand il t'a éloigné de la science, il t'a éloigné de la lumière, donc tu te retrouves dans les ténèbres. Et quand tu es dans les ténèbres, il fait de toi ce qu'il veut Shaitan. La'anahullah. Il joue avec toi. Combien de musulmans et musulmanes ont entendu dire, c'est peut-être possible alors? Alors qu'ils ne savent pas que toute personne qui prétend connaître ici l'heure, c'est-à-dire le jour de la fin du monde, après qu'on lui rappelle que c'est interdit en islam et que personne ne connaît l'heure, si ce n'est Allah Azza wa Jal, faqad kafara bil Qur'an. Il a mécru au Coran. Il sort de l'islam, wal'ayadu billah. Pourquoi? Il contredit les paroles d'Allah Azza wa Jal. Mata sa'a, quand viendra l'heure? Allah il dit dans le Coran al-Karim, wa na'lamu anna sa'a min alamil ghaib. Ça on sait que ici, l'heure, ça fait partie du monde de l'inconnaissable. Pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل أي محمد دي الله عز وجل دي il t'interroge sur l'heure. Allah il parle au prophète عليه الصلاة والسلام, il dit قل, دي c'est toi محمد عليه الصلاة والسلام, dis leur قل إنما علمها عند الله, إنما علمها عند الله, sa connaissance est exclusive à Allah عز وجل. Ensuite Allah, regardez ce qu'il dit au prophète عليه الصلاة والسلام, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Subhanallah. Ah, on a les premiers renseignements qui nous rappellent que quoi? L'heure, elle est proche, elle est pas loin. Allah Azza wa Jalla dit au prophète, quand sais-tu? Il se peut que l'heure soit proche. Ça, c'est la preuve que quoi? Personne ne connaît ici l'heure. Parmi les preuves aussi, le hadith rapporté par Muslim, que je vous ai cité tout à l'heure de façon très brève, bien sûr abrégée, quand Jibril est venu voir le prophète Ali Soussam, il lui a posé plusieurs questions. Il lui a dit, c'est quoi? Al-Islam, le prophète lui a détaillé c'est quoi l'islam. Il a dit khlas. Jibril lui a dit c'est quoi al-Iman, la foi. Il lui a cité les six piliers de la foi, dont la croyance au jour de la résurrection au jour dernier. Ensuite il lui a dit mal ihsan, c'est quoi l'ihsan. Il a dit c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais, si tu le vois pas, certes il te voit. Ensuite il lui a dit mata sa'a, quand viendra l'heure. Qu'est-ce qu'il a répondu le prophète alayhi salatu wassalam? Celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. C'est-à-dire que quoi? Moi je sais pas et toi tu sais pas. Ibn Abbas radiyallahu anhu, il dit bi ijma', à l'unanimité des savants, personne ne connaît l'heure si ce n'est Allah Azza wa Jal. Même pas l'ange Gabriel, même pas Malak al-Maut, aucun ange, aucun prophète, aucun envoyé, même pas Muhammad alayhi salatu wa salam, wa huwa alladhi la yantiqu 'anil hawa. Alors que lui, il recevait la révélation, le prophète, c'est un prophète et il ne parle pas poussé par sa passion, c'est qu'une révélation émanant de son Seigneur, Khalilur Rahman, c'est un proche d'Allah Azza wa Jal, le meilleur des prophètes, il ne connaît pas l'heure. Le prophète, il a dit, celui qui interroge n'en sait pas plus que celui qui est interrogé n'en sait pas plus que celui qui interroge. Ibn Abbas, il a dit, personne ne connaît l'heure. Allah dit dans le Coran al-Karim, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ dit, nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaissent l'inconnaissable si ce n'est Allah Azza wa Jal. Allah il dit dans le Coran al-Karim, إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ analysez bien comme disent les ulama. إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ Allah, il détient la connaissance de quoi? De l'heure. Les savants, ils ont dit, regardez bien, analysez ce verset. Allah, il a commencé par عِنْدَهُ, d'accord? Avant عِلْمُ السَّاعَةِ Allah, il possède, il détient la connaissance de quoi? De l'heure. Pour rappeler que quoi? Il n'y a personne à part Allah qui la connaît. Pourquoi Allah il commence en disant Inna Allah indahu, lui, c'est-à-dire personne d'autre, il n'y a que lui qui l'a. Indahu quoi? Ilmu sa'a, la connaissance de l'heure. Allah il dit dans le Coran al-Karim encore, il dit dans sourate al-A'raf, il t'interroge sur l'heure. Allah il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dit, seul mon Seigneur en a connaissance. Écoutez bien, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Écoutez bien ensuite ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran dans sourate al-A'raf. ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَهُ Ce qui est sûr, c'est Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lourde, l'heure lourde, elle sera dans les cieux et la terre et elle ne viendra à vous que soudainement. Regardez, Allah, il dit qu'elle sera lourde. Cette heure-là, ça sera lourd. Ça sera une épreuve. Ça sera lourd même. Pourquoi? Lourde. Elle sera dans les cieux et la terre et elle ne viendra que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Allah, il dit ça au prophète. Dis, qul, ya Muhammad, dis-toi Muhammad, seul Allah en a connaissance, mais la plupart des gens ne savent pas. Qul, innama ilmuha inda Allah, walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Ah, Allah, il a dit dans le Coran. Seul Allah. Donc, délaisse toutes ces paroles 2012, 2013, 2008, 2000, ceci, toutes ces personnes contredisent le Coran al-Karim, Kalamullahi Azza wa Jal, et certes, ils sont tombés dans l'insouciance, dans un égarement évident, et tout musulman et musulmane que vous entendez douter sur ces paroles-là, ou plutôt sur leurs paroles à ces dénégateurs, à ces non-musulmans, concernant 2012, etc., vous devez leur avertir et les mettre en garde. Attention, ça peut être des paroles de kufr, de mécréance. Donc remettez à l'ordre et en place avec sagesse et bonne exhortation tous ceux qui se sont égarés ici de la voie droite. Ce qu'on sait, c'est qu'elle est proche. Donc on a dit, on ne sait pas quel jour elle est, quelle année, d'accord? On a décrit un peu, on a rapporté quelques descriptions d'Allah Azza wa Jalla concernant cette heure-là. Khlas. Elle va venir de façon soudaine. C'est la grande heure. Elle a plusieurs noms. Ibn Kathir il dit à peu près plus de 80 noms. On a cité quelques-uns. Al-Qari'a. D'accord, Yawmul Fasl, d'accord, Yawmul Bahth, etc. Khlas. Elle vient quand? On ne sait pas dans les détails, mais elle est proche. Ad-dalil wa ala dhalik. Parmi les preuves ou la preuve de cela, on va citer quelques preuves. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, le règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Ah, elle est proche. Et on avait dit que quoi? Ici, on l'appelle aussi Yaumu al-Hisab, le jour des comptes. Et Allah, il dit quoi? Le règlement de leurs comptes approche pour les hommes. Donc, à l'approche. Donc, c'est proche. Ça s'approche. Allah, Azza wa Jalla, il dit, وَمَا يُدْرِكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا. Regardez combien de fois Allah, Azza wa Jalla, il répète, c'est proche. Il dit, quand sais-tu, comme je vous ai cité tout à l'heure, quand sais-tu, il se peut que l'heure soit proche. Allah, Azza wa Jalla, il dit dans le Coran al-Karim, إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا. Écoute, وَنَرَاهُ قَرِيبًا. Il le voit, c'est-à-dire العذاب, le châtiment, bien loin. Les non-musulmans, ils disent, ou les kuffars, ah, c'est loin. Ou même les dénégateurs, ou ceux qui voulaient pas suivre le prophète alayhi salam, certains d'entre eux disent, mais c'est loin. Ils voient loin ce châtiment, le jour dernier. Allah Azza wa Jalla dit, ils le voient loin. Et Allah il dit dans le Coran, alors que nous le voyons proche. Écoute bien encore ce que le prophète alayhi salatu wa salam dit. Et le hadith est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, بُعِثْتُ أَنَا وَسَاعَةُ كَهَاتَيْن. Il dit le prophète alayhi salatu wa salam, j'ai été envoyé, moi, le prophète a dit ça, moi et l'heure, telle ces deux-ci. Et il a réuni l'index et le majeur comme ça, pour dire que le prophète alayhi salatu wa salam a été envoyé, lui et l'heure, comme ces deux-ci. C'est-à-dire, c'est proche. Et c'est pour ça que la venue du prophète alayhi salatu wa salam et la mort du prophète alayhi salatu wa salam, min ashrati sa'a as-sughra. Ça fait partie des signes de la fin des temps, des petits signes de la fin des temps. Je termine avec cela. Les signes de la fin des temps, il y a plusieurs catégories. Il y a les petits et il y a les grands. As-sughra ou al-kubra. D'accord? On s'est arrêté quelques instants avec le jour dernier. Khlas. Maintenant, on revient avec les signes de la fin des temps. Ou les signes de la fin des temps. Il y a les petits signes, ça va être la première partie de cette série de cours, incha'Allah ta'ala. Et il y a les grands signes de la fin des temps. D'accord? Mais parmi les signes de la fin des temps, il faut savoir qu'il y a une partie qui est terminée. Ils ont déjà eu lieu. Et la plupart des signes ou des petits signes ici, ils ont commencé à apparaître à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, comme ont dit les savants. La plupart des signes, ils ont commencé déjà à apparaître à l'époque du prophète, à l'époque des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Donc il y a les petits signes. Il y a des petits signes qui sont déjà passés, khlas. Ils sont passés, ils sont terminés. Le prophète en avait parlé, ils sont passés, ils ont eu lieu, ils sont terminés. Il y a la deuxième catégorie des petits signes. C'est ceux qui sont... Ils se sont déjà passés, mais ils existent encore à notre époque. Et ils ne cessent de se reproduire. Ils existent au moment présent où on parle maintenant. Ils existent. Il y a 14 siècles, le prophète en avait parlé. Chaque signe de la fin du monde est un miracle. Et nous rappelle que le prophète ne parle que par révélation. Et que le prophète est certes un prophète et envoyé, et le meilleur des prophètes et des envoyés, alayhi afdalu salatu wa taslim, et tu ne verras aucune religion, et tu n'entendras d'aucune religion la description des signes de la fin des temps, comme Allah et le prophète l'ont décrit dans le Coran al-Karim et dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wa salam. Et pourquoi pas, alors que quoi? Le dernier des livres, c'est le Coran al-Karim. Et le dernier des prophètes, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam. Khlas. Allah Azzawajal, il a voulu que c'est le prophète qui nous détaille ceci comme personne et aucun autre prophète. Même les autres prophètes n'ont pas détaillé. Donc, nous avons dit, il y a les signes qui sont déjà passés. Il y a les signes qui se sont déjà passés mais qui existent toujours à notre époque. Comme on va le voir. Bi'idnillah Azzawajal. Et il y a la troisième partie ou catégorie des signes. Ce sont les signes qui n'ont pas encore eu lieu. Et des signes qui n'ont pas encore eu lieu, il y a des petits et des grands signes. Il reste des petits signes qui n'ont pas eu encore lieu. D'accord? Et il y a les grands signes. Suivez bien. Amma les signes qui ont déjà eu lieu. Et les signes qu'on vit maintenant au jour d'aujourd'hui, ce n'est que des petits signes. Ce n'est pas des grands signes. Tous les signes qui sont passés déjà à la fin du monde, c'était les petits. Et les signes qu'on vit maintenant, qu'on va citer, incha'Allah ta'ala, c'est encore des petits. Il n'y a pas de grands signes là maintenant qu'on vit. Et les signes qui vont venir, il y aura quelques petits signes et après on passe directement au grand signe de la fin du monde. Avant-dernière des choses, il ne faut pas croire, comme est mentionné dans le Fath par exemple, et comme disent les savants, que dès qu'on dit un signe de la fin du monde, il ne faut pas croire qu'automatiquement ce signe, c'est une chose blâmable, ou une chose haram, ou une chose mauvaise. C'est pas parce qu'on dit, tiens, un signe de la fin du monde aura lieu, que tous les signes que le prophète a cités, c'est des choses mal ou haram, ou des choses mauvaises. Peut-être ça peut être des choses bien. C'est pour ça que les savants ils disent, à titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wasallam dit, parmi les signes de la fin du monde, d'accord, il y aura 50 femmes pour un homme. Ça, c'est parmi les signes de la fin du monde. Ils disent, on n'a pas de preuve que ça veut dire que ça va être un mal pour l'être humain, ou pour la, on n'a pas de preuve. Peut-être ça va être un mal, peut-être ça va être un bien, peut-être, on ne sait pas. Par exemple, le prophète Ali Sallallahu Alayhi Wasallam, il a dit aussi, la profusion, il y aura de plus en plus de gens qui auront de l'argent, des fortunes. D'accord? Il y aura la profusion des fortunes. Est-ce que ça veut dire automatiquement que c'est un mal? C'est pas obligatoirement, ou ça ne veut pas dire obligatoirement que c'est quelque chose de haram ou un mal. Donc ça, c'est à titre d'exemple, comme le mentionnent les savants. Pour ça, il faut bien comprendre, pour bien comprendre les signes de la fin du monde, que tous les signes ne veulent pas dire que c'est quelque chose de haram. Mais, ça veut dire que quoi? Que la fin du monde s'approche. Et on a bien compris que la fin du monde, elle est proche, que l'heure, c'est-à-dire la grandeur, elle est très proche, et que la petite heure, c'est-à-dire al-maut, elle est très proche. Maintenant, si on a bien compris cette introduction de façon brève et concise, bihawlillahi azza wa jal, on peut rentrer dans le vif du sujet à partir de la semaine prochaine dans les petits signes de la fin du monde, et on va commencer avec la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et les preuves que la venue du prophète alayhi salatu wa salam fait partie des signes de la fin du monde. Donc il y a déjà des signes qui sont passés, encore une preuve de plus qui nous rappelle que quoi? Certes, la fin du monde, elle est très proche. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fina wa fikum.